Donc bonjour à tous, merci de m'avoir présenté. Donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler d'expérience utilisateur. J'ai une approche un petit peu différente peut-être de gens qui font de l'architecture de l'information, puisque moi j'ai fait un parcours en psychologie. Vous allez voir qu'il y a peut-être quelques différences, il y a aussi beaucoup de similarités. Donc moi je suis chercheur à l'Université de Luxembourg et mes travaux de recherche consistent principalement à étudier et à développer des méthodes de conception et des méthodes d'évaluation de l'expérience utilisateur. Donc je suis l'auteur d'un livre qui est paru l'an dernier, que Bertrand a présenté tout à l'heure. Et si vous utilisez Twitter, vous avez là mon pseudo. Alors la première partie du titre de ma présentation s'appelle aujourd'hui « Experience Everywhere ». J'ai pris la photo que vous voyez là, l'année dernière, quand je survolais les Alpes suisses lors d'un festival de montgolfière. Et ça, c'est le paysage magique que j'avais sous les yeux. Donc, sans vouloir vous rendre jaloux, moi, quand je revois cette photo, j'ai vraiment l'impression de ressentir encore les émotions de cette journée particulière. Pourquoi ? Parce que c'était en fait une expérience de vie mémorable. C'est un moment dont on se souvient. Dans ma vie, mais vous le faites tous aussi, moi, je cherche à vivre des expériences particulières. Je voyage, je rencontre des gens, je fais des activités, j'apprends beaucoup, je découvre beaucoup de choses. Je fais aussi beaucoup d'erreurs, c'est aussi des expériences. Et en fait, la vie entière est une succession d'expériences. Même cette conférence, là, en ce moment même, c'est une expérience que nous partageons. J'ai beaucoup aimé la conférence ce matin, la dernière des conférences sur les expositions, parce qu'en fait, une exposition, c'est le vécu d'une expérience artistique ou pédagogique particulière. Donc si je vous dis ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, l'importance du design d'expérience utilisateur, elle trouve son origine dans la vie réelle. Pourquoi on dit maintenant partout qu'il faut concevoir des expériences ? C'est parce qu'on s'est rendu compte que dans la vie réelle, les expériences avaient une puissance particulière qui attire les gens et que c'est ce que les gens cherchent. Il y a certains chercheurs qui pensent que les sociétés modernes, elles sont entrées dans des cultures post-matérialistes. C'est-à-dire que maintenant, les expériences sont plus valorisées que le matériel. Il y avait, il y a quelques décennies, les sociétés matérialistes étaient des sociétés de consommation, où on achetait beaucoup d'objets, où il y avait vraiment une valorisation de l'artefact. C'est un petit peu différent, vous avez peut-être pu le constater quand vous faites même des cadeaux à Noël. Concrètement, vous faites de plus en plus de cadeaux qui sont des expériences, qui ne sont plus des objets. Vous offrez aux gens un concert, vous offrez aux gens un week-end détente, un saut en parachute, une visite au musée des Confluences. Toutes ces choses qui sont en fait maintenant plus valorisées. On est content d'offrir aux gens ces petits bouts d'expérience. Ce qui est important là-dedans, c'est que les mêmes chercheurs ont montré que ces expériences nous rendent heureux, et beaucoup plus heureux que le fait de posséder des objets. Donc nous, en fait, si la vie est une succession d'expériences, notre rôle, ou peut-être même notre devoir, dans ce monde où la technologie est omniprésente, c'est de créer des expériences mémorables à travers la technologie. Alors ce qui est rassurant pour nous, parce qu'une technologie ça reste un objet, donc si on est post-matérialiste et qu'on n'aime plus les objets, pourquoi on achèterait des technologies ? Rassurez-vous, les choses et les expériences ne sont pas en contradiction. C'est-à-dire que pour vivre une super expérience de randonnée, évidemment vous avez besoin de ce magnifique paysage et d'être dans un contexte formidable, mais vous avez aussi besoin de chaussures, de vêtements techniques, d'une carte, d'un GPS. Et en gros, pour caricaturer, c'est plus facile d'apprécier l'expérience et le paysage quand vous avez pas mal aux pieds. Donc les chaussures de randonnée, finalement, sont des médiateurs de votre expérience. Et si l'expérience reste l'objectif principal à atteindre, la clé, les objets vont en être les médiateurs. Et c'est ce rôle-là qu'on doit avoir, cette vision-là qu'on doit avoir par rapport aux technologies. Donc, les objets et technologies vont pouvoir créer et façonner des expériences. Ils peuvent même être un peu plus actifs ou transformatifs en offrant des nouvelles possibilités, c'est-à-dire des expériences qu'on n'aurait pas pu avoir sans les technologies. Si vous connaissez un peu la pratique du géocaching, avec un GPS, du coup, on peut transformer l'expérience de randonnée en une chasse au trésor stimulante où on va chercher des objets. Donc, mon propos principal, c'est que ce sont les expériences qui sont la vraie valeur du produit. Alors, la preuve ici, c'est tout bête, mais je pense que aussi fonctionnel que peut être le petit réveil Sony, là, que vous voyez, c'est pas vraiment l'image-là qui vous évoque un réveil agréable. C'est pas le bip, bip, bip, bip, bip. Non, le réveil agréable pour vous, c'est normalement la petite lumière du soleil qui entre par la fenêtre, vous sentez un peu la chaleur sur votre visage et vous vous réveillez délicatement avec le chant des oiseaux. Ça, c'est un réveil agréable. Donc, pour se démarquer de la concurrence, quand on conçoit des technologies ou des produits, ou des services, ça marche aussi, il faut donc penser l'expérience avant le produit. Et c'est tout l'intérêt de la démarche du UX design. Pour reprendre l'exemple du réveil, donc il y a une question sur ce type d'objet que soulève très bien un collègue chercheur allemand, qui se demande, est-ce qu'on peut créer une technologie qui comprend les caractéristiques d'un réveil agréable, le lever du soleil et le chant des oiseaux, et qui parviennent à créer une expérience similaire, même quand le soleil refuse de briller et que les oiseaux sont déjà partis pour l'Afrique. Et au Luxembourg, j'en ai bien besoin, d'ailleurs. On a peu de soleil. Vous avez plus d'ensoleillement. Donc, en gros, les objets ou systèmes neutres qui n'inspireraient rien, qui ne créeraient pas une expérience, sont des opportunités de conception ratées. C'est que là, le concepteur n'a pas pensé l'expérience avant le produit et qu'il a finalement mis un espèce de mix de fonctionnalités à l'intérieur de son système. Et finalement, il a raté une occasion de faire les choses bien et de faire vivre quelque chose à travers sa technologie. Mais alors, comment est-ce qu'on peut créer ces produits inspirants ? Comment est-ce qu'on peut éviter justement de créer ces systèmes neutres qui n'inspirent rien ? Ben, il faut devenir des architectes d'expérience. Voilà. Gardez en tête la photo de cette boîte. Là, je ne l'ai pas choisie par hasard. Vous allez voir, on va y revenir après tout à l'heure. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Alors, j'ai fait une conférence l'an dernier. Il y a peut-être des personnes qui étaient présentes à Lyon à l'occasion de Blend Web Mix. Et pendant cette conférence, j'avais repris une citation que je dis souvent par ailleurs, qui est « Un UX designer est un auteur d'expérience ». Donc, je la trouve hyper inspirante. Je pense que c'est un des cœurs de notre métier. Et en fait, en pensant à cette journée de l'architecture de l'information, à ce que j'allais bien pouvoir vous raconter, je me suis demandé pourquoi j'utilisais le terme « auteur d'expérience » plutôt que le terme « architecte d'expérience ». Et donc aujourd'hui, pour rendre hommage à cette belle journée internationale, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. et donc j'ai essayé de remplacer « auteur » par « architecte » juste pour voir, et me demander un petit peu quelle serait la différence entre un auteur d'expérience et un architecte d'expérience. Alors, quand on dit auteur d'expérience, il y a en fait une espèce de structure narrative dans une histoire, quand on raconte une histoire, il y a une temporalité. D'ailleurs, il y a forcément de la narration dans l'UX design, puisqu'on utilise des méthodes de storytelling, de storyboarding, qui sont des méthodes qui permettent de raconter une histoire. Et c'est important, quand on essaye de créer une expérience, qu'on raconte une histoire, finalement. Donc, dans cette structure narrative, c'est toujours un peu pareil, ça commence par une situation initiale, on a un élément déclencheur, souvent un problème ou une situation qui se pose, un nœud, un dénouement, et puis ça se termine par une situation finale. Donc ça, c'est les caractéristiques, en gros, de chacun des éléments. Il y a un peu dans la notion d'auteur d'expérience une petite notion de créativité, d'intuition, de quelque chose qui serait assez... on l'invente, même si toutes les narrations ne sont pas des fictions, mais on a un peu cette notion qu'on va l'inventer. Alors à l'inverse, si on dit un architecte d'expérience, alors un architecte, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il a un terrain. Il a des contraintes, le terrain c'est son contexte un petit peu, il a des contraintes administratives, des contraintes urbaines. Il commence des esquisses sur une vision du projet et puis au fur et à mesure il rationalise son projet avec une forme, le fonctionnement, l'implantation du bâtiment. Il va prendre des décisions évidemment qu'il va négocier avec ses clients. Il va constamment affiner le projet et il va prendre en compte aussi constamment des contraintes techniques puisque c'est permanent dans les projets d'architecture. Au fur et à mesure on va passer d'un niveau de détail de plus en plus fin qui partait en fait d'une vision globale qui était juste une espèce d'esquisse d'un bâtiment, jusqu'aux infimes détails des éléments constructibles. Il faut savoir que les architectes vont vraiment même dans les détails de la moquette, etc. Donc ils sont vraiment au plus proche après de l'interaction. Donc finalement, quand on est un architecte d'expérience, on est vraiment dans un processus qui est plus systématique, plus itératif que dans la narration. On a moins cette notion d'intuition. Alors, j'ai pas de réponse tranchée parce que je pense qu'on est un peu les deux. Logiquement, pour aujourd'hui, on va dire architecte, parce que ça s'y prête bien. Mais c'est quelque chose qu'on peut éventuellement réfléchir et sur lequel chacun peut essayer de voir quelle est sa pratique et s'il s'oriente plus d'un côté ou de l'autre. Dans la pratique professionnelle, architecte d'expérience, ça passe bien parce que sur un projet, on parle souvent, on a souvent ces contraintes aussi à prendre en compte qu'on a un petit peu moins dans la narration. Alors, ce qui est important dans le fait d'être un architecte d'expérience, c'est-à-dire de vouloir concevoir d'expérience, c'est que l'expérience passe en premier. Bien souvent dans les projets, ça arrive que dès le début, on parle de fonctionnalités, de spécifications techniques. Et que dans la recherche utilisateur, finalement, on cherche à établir cette liste de fonctions. Et c'est un peu le but que certains ont dans la recherche utilisateur. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, une fonctionnalité en tant que telle n'a de sens que si elle soutient une expérience particulière, une expérience souhaitée. Donc ce qu'on veut, nous, dans le design expérience utilisateur, c'est un peu ce qui est noté là. On veut surprendre les utilisateurs, on veut leur faire plaisir, on veut les amuser, on veut les soutenir, on veut leur faciliter la vie. Selon le type de projet qu'on est en train de concevoir, selon le contexte, on sera plus ou moins sur l'une de ces orientations-là. Et ce qu'il faut donc, c'est adopter ce niveau d'abstraction particulier pour penser l'expérience. Alors, je vais vous montrer un petit schéma qui va peut-être aider à formaliser. Donc là, vous avez les trois niveaux du design UX sur le schéma Why, What, How. Et en gros, le principe, c'est qu'on peut aller de l'expérience au produit en trois niveaux. Donc du haut vers le bas. Et trop souvent, comme je dis, les projets commencent au quoi, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, le what. En gros, le quoi, c'est ce que les gens peuvent faire avec le produit. Donc si les gens sur votre système peuvent acheter un livre, sur Amazon, on peut acheter un livre. Ouais. On peut écouter une musique sur votre iPod ou sur Napster ou Spotify. Le quoi, il est reflété par les fonctionnalités. Donc il est intimement lié en fait à la technologie ou au type de produit que vous concevez. Au niveau le plus bas, on a le comment. Le comment, c'est le niveau opérationnel, c'est le niveau du design d'interaction. Donc c'est les menus, les boutons, les leviers dans les objets physiques, les textures, les formes. Ça, c'est vraiment lié à l'objet et au contexte. Le quoi, en fait, tout le challenge là-dedans, c'est de rendre une fonctionnalité plaisante, esthétiquement plaisante dans l'interaction. La façon dont on écoute de la musique, ça peut être très différent. D'ailleurs, Apple avait finalement gagné le marché de la musique quand ils ont inventé cette petite roulette pour l'iPod, quoi. C'était une manière différente d'interagir au niveau de l'interaction avec son lecteur MP3. Parce que certains types d'interactions, évidemment, sont plus plaisants que d'autres, et plus essentiels ou plus expérientiels que d'autres. Souvent, quand on est UX designer, on va concevoir que l'arrangement entre les fonctionnalités et le design d'interaction, ça suffit pour créer une bonne expérience. On se dit, voilà, j'ai les fonctionnalités utiles, et puis je mets une interaction cool, plaisante, je vais avoir une UX positive. Mais il manque cette couche du pourquoi. Donc j'y reviens, je repasse à la couche supérieure. Le pourquoi, c'est la motivation. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un utilise votre produit, au final. Et l'expérience qui est proposée ou recherchée doit suivre cette motivation des utilisateurs. Vous allez voir, je vais y revenir largement dans la deuxième partie de la présentation. Donc le design UX, c'est un remède à la tendance de commencer par le quoi. Le design UX permet, c'est un peu le médicament qui vous permet de commencer par le pourquoi, au lieu de commencer par le quoi. Donc on commence par comprendre les besoins, les émotions qui sont impliquées dans une activité, et on veut vraiment comprendre le sens d'une activité pour concevoir une expérience particulière sur cette base. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ça, qu'on a compris le sens de l'activité, qu'on va déterminer les fonctionnalités qui peuvent soutenir cette expérience. C'est de la même manière que ce matin, quand on crée une exposition, on choisit d'abord un thème, et ensuite on voit quels objets on a dans notre collection, dans notre stock, qui alimente ce thème, cette expérience particulière, on ne fait pas l'inverse. On ne va pas se dire, oh, tiens, j'ai 3-4 objets là, j'ai 2 animaux empaillés, je rassemble tout ça, je fais un petit bric-à-broc, puis je lui donne un nom. Non, on ne fait pas ça. On pense à l'expérience de l'expo avant de penser aux fonctionnalités. Et enfin, la dernière chose à faire, une fois qu'on a le pourquoi et le quoi, c'est le comment, c'est-à-dire de réfléchir après au design d'interaction, tous les petits détails de forme, de texture, de... voilà. Dans l'UX Design, on va chercher une alchimie entre les trois niveaux, généralement, et c'est toujours l'expérience, donc toujours le premier niveau, qui va donner le ton général à votre process, qui va guider le reste des composants. Si on fait le parallèle avec un projet architectural, le magnifique bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, le why, c'est le pourquoi. Quelle expérience veut-on concevoir? C'est la vision, la grande vision, les grands traits du projet. Le niveau quoi, c'est ce que les gens peuvent faire, les éléments principaux, les fonctionnalités. Donc ici, dans un bâtiment comme le musée, on a des salles d'exposition, évidemment. On a aussi des choses pragmatiques, comme la billetterie. Et on a des choses plus hédoniques, comme des lieux d'échange, des lieux de réflexion. Il y a un jardin, il y a une librairie boutique, il y a une brasserie. Et le niveau le plus bas, c'est-à-dire les modalités d'interaction, ce sont les détails de comment, concrètement, l'interaction se réalise ici. Ça va être les textures, le mobilier, la décoration, les hauteurs de plafond, l'ambiance sonore, toutes ces choses-là qui font les petits détails de votre expérience particulière de visite. Donc pour être un architecte d'expérience, on va suivre cette démarche. Et pour passer d'un niveau à l'autre, on va appliquer les processus et les méthodes du design UX. Et on va être confronté finalement constamment à des moments où il faut prendre des décisions. Et chaque projet est vraiment un ensemble de décisions. L'UX, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut concevoir par hasard. Il y a une intention dans le design d'expérience utilisateur. Et cette intention, ça doit être une intention en termes d'expérience. Ça ne doit pas être une intention en termes de fonctionnalité. Ce qu'on appelle le technology push, de dire je sais faire un logiciel de géolocalisation, donc forcément, tout mon produit va tourner autour de ça parce que je sais le maîtriser. Ce n'est pas comme ça que doivent partir les projets du UX design. Donc il y a juste 4 points indispensables, qui guident le processus du X-Design. Le premier, c'est d'avoir une stratégie UX qui justement passe à cette expérience. Le deuxième, c'est de reposer sur un processus itératif centré sur l'utilisateur, centré sur l'humain, pour ceux qui n'aiment pas le mot utilisateur, et c'est vrai, je suis d'accord. Le troisième, c'est d'utiliser des méthodes et des outils valides. Alors, ça, c'est un peu mon côté chercheur qui vous dit ça, mais attention dans les outils, les méthodes que vous utilisez. C'est important qu'il y ait une base théorique ou une base derrière qui vous assure la validité. Si vous mesurez l'expérience utilisateur avec un questionnaire que vous avez créé vous-même de toutes pièces, sans vraiment savoir quelles sont les dimensions qui renvoient à l'attractivité ou quelles sont les dimensions qui renvoient au pragmatisme, eh ben, en fait, vous ne mesurez que vos propres idées, vous ne mesurez pas un vrai construit. Donc effectivement, vous pouvez poser des questions individuelles, mais vous n'avez pas le droit, disons, de regrouper toutes vos questions et de dire ça, c'est une mesure de l'UX. C'est pas vrai, parce que ça ne repose pas sur quelque chose de valide. Et méfiez-vous, parce qu'utiliser des outils non valides, ben, en fait, c'est baser son process sur des mauvaises décisions ou des... potentiellement des décisions à risque. Elles ne sont pas toujours mauvaises. Hein. Des fois, il y a des bonnes intuitions. Des fois, vous avez quand même récolté quelque chose. Mais en tout cas, c'est prendre des risques. Et on a les moyens de limiter les risques et d'avoir un processus qui est plus guidé. Et donc, le dernier, c'est d'avoir des connaissances théoriques. Donc, je vais maintenant ouvrir un tout petit peu la boîte de Pandore. La boîte est là. Donc, je vous dis qu'il faut penser l'expérience avant le produit. Je prêche, j'évangélise. C'est beau, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous allez me dire, ouais, oui. Tout le monde est d'accord, on pense l'expérience, on veut tous faire une bonne expérience. Donc pour vous aider, je vais vous parler de deux théories qui permettent de penser à la conception d'un produit en termes d'expérience. Je vous parle de théorie parce que je suis chercheuse, c'est vrai, et j'espère qu'en vous montrant un peu les cadres conceptuels, je peux vous convaincre de l'importance des liens entre recherche et pratique. On a un défaut dans notre communauté du X-Design en général, c'est qu'il y a très peu de liens entre les chercheurs et les praticiens. Il y a même des professionnels qui ne sont pas au courant qu'il y a de la recherche qui se fait en UX-Design. Il y a peu de liens au niveau des méthodologies, il y a vraiment peu d'échanges, on est tous dans des conférences séparées, on a nos conférences de chercheurs, vous avez vos conférences de pros, et rares sont les gens qui vont parler aux deux. Voilà. Donc j'aime m'attirer l'attention des uns et des autres, je fais pareil de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, je prêche aussi chez les chercheurs, mais voilà. Je pense que la recherche doit être le socle et la base de la pratique en général. Tout comme en médecine, vous n'aimeriez pas vous faire soigner par un mec qui ne s'est pas mis à jour sur la théorie depuis 20 ans. C'est exactement pareil en UX design. Vous avez besoin de formation continue pour créer des expériences. Il y a un auteur qui parle d'ailleurs, j'ai lu récemment, qui parle du devoir moral de la bonne expérience et qui dit que oui, on pense que votre rôle, c'est juste de créer des technologies, mais que vu la place des technologies dans le monde en ce moment, on a un espèce de rôle transformatif dans la société qui potentiellement va arriver avec le design. Tout le monde commence à parler de la place du designer. Et une fois qu'on a cette place importante, l'éthique nous dit qu'on doit à l'utilisateur de lui fournir la meilleure expérience possible et qu'on ne peut pas faire bullshit et vendre n'importe quoi juste parce que voilà, ça gagne de l'argent et qu'on fait du consulting comme ça. Je pense qu'on doit tous réfléchir à faire les choses bien en général parce que chaque technologie impacte un petit peu la vie des personnes qui les utilisent. La première théorie, en fait, c'est quelque chose un cadre théorique fort au niveau académique qui existe depuis plusieurs années, qui lie l'expérience utilisateur aux besoins psychologiques fondamentaux. Donc, qu'est-ce que c'est les besoins psychologiques fondamentaux? Vous avez probablement tous entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow. Donc, c'est la pyramide qui comprend 5 besoins, dont la satisfaction mènerait à l'épanouissement humain, qui est tout en haut, spontanéité, épanouissement, autoréalisation. Alors, rassurez-vous, il y a des travaux un peu plus modernes que Maslow. Maslow, ils ont été beaucoup décriés dans leurs travaux, mais qui sont basés sur le même principe et qui ont été appliqués à l'étude de l'expérience utilisateur. Donc, selon ces approches, c'est l'épanouissement de besoins psychologiques fondamentaux à travers l'interaction avec les technologies qui va être le principal moteur d'une expérience positive. Donc, je m'explique. Dans les modèles principaux de l'expérience utilisateur, on dit que les gens perçoivent la qualité des produits interactifs selon deux dimensions. La première dimension, c'est les qualités pragmatiques. C'est un petit peu anciennement l'utilisabilité, disons, qui est la capacité à soutenir l'accomplissement de do goals, c'est-à-dire des fonctions, quoi. L'exemple de do goals, c'est passer un appel, je veux trouver un livre, je veux commander un article, je veux que ce soit clair, facile à utiliser, structuré. La deuxième dimension, c'est les qualités hédoniques. Et ça, c'est la capacité à soutenir l'accomplissement de big goals. Les big goals, ça va au-delà des tâches. C'est-à-dire que quand vous avez une technologie, oui, vous réalisez des tâches avec la technologie, mais vous avez une intention supérieure que juste passer un appel. Ah. Donc, des exemples de big goals, ça va être compétent, être en relation avec les autres, se sentir spécial. Et une bonne expérience utilisateur, c'est la conséquence de l'épanouissement de ses besoins. Je vous montre quelques exemples. À votre avis, simple besoin de passer un appel, donc qui serait un do goals, une tâche, ou bien envie de se sentir connecté à un proche, qui serait un be goals, le relationnel. À votre avis, simple besoin de téléphoner maison, ce qui serait donc une tâche, ou bien recherche de la protection des siens quand on n'est pas sur sa planète, qui serait un be goals, la sécurité. Et ça, à votre avis, c'est un texto ou c'est une preuve d'amour? Donc en fait, au-delà de la technologie, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'au-delà de quelque chose qui est fonctionnel, qui permet de réaliser une tâche, la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir une application de messagerie qui va soutenir le besoin de relationnel, de proximité entre les gens? Comment on réfléchit à la connexion qui est liée à la messagerie? Et c'est forcément plus fort que le simple besoin fonctionnel d'envoyer un texto de manière utilitaire. C'est quand même relativement rare qu'on envoie des textos utilitaires finalement. Tout a un petit peu un but supérieur, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ça peut être aussi une application ou un système qui va soutenir le besoin de sécurité. Il y a eu des développements d'applications dans le cadre de la maladie d'Alzheimer où avec des GPS, on arrivait à faire en sorte qu'une personne malade ait un petit périmètre au-delà duquel ça fait biper chez sa famille pour prévenir qu'elle est sortie du périmètre où elle saurait retrouver le chemin de sa maison. Donc on peut réfléchir toujours plus loin. Et en termes méthodaux, ça veut dire qu'on peut utiliser ses besoins psychologiques pour concevoir des expériences positives, des expériences engageantes. Il y a 10 besoins psychologiques qui ont été identifiés en 2001 par Sheldon et ses collègues. Et 7 d'entre eux, pour l'instant, ont été retenus dans les principaux travaux comme pertinents dans le cadre de l'expérience utilisateur. Donc vous les avez devant les yeux. À travers les technologies, en gros, les utilisateurs cherchent à se sentir stimulés, donc ils cherchent le plaisir. Ils cherchent à se sentir autonomes, à faire des choix de manière indépendante. On aime toujours avoir le choix, la liberté. Ils cherchent à se sentir en relation avec d'autres. Les réseaux sociaux, c'est une preuve magnifique qu'on essaye juste d'être connecté parfois avec les gens. Ils cherchent aussi à se sentir en sécurité, en contrôle des choses. Là, vous en avez une preuve sur certains sites e-commerce qui ne vous inspirent pas confiance et auxquels vous ne donneriez pas votre carte bancaire, par exemple, c'est que vous n'avez pas ce sentiment de sécurité. On cherche à se sentir compétent, à apprendre des choses, à se sentir influent et enfin, le summum du summum, à s'épanouir dans sa vie. Parmi les besoins qui n'ont pas été retenus, il y a l'estime de soi parce que c'était un petit peu ambigu, c'est pas vraiment un besoin, c'est un petit peu un besoin et il y a d'autres caractéristiques en termes de personnalité sur l'estime de soi. La luxure, bon, on aurait pu mais ils n'ont pas voulu, et le bien-être physique. Donc il y a le bien-être, la protection mentale, mais il n'y a pas le bien-être physique. Ceci dit, ça pourrait venir avec des technologies qui deviendraient de plus en plus tangibles. On pourrait réintroduire éventuellement ce besoin de bien-être physique dans les interactions. Un exemple simple pour illustrer la théorie, c'est le flow. Donc le flow, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est quelque chose qui a été théorisé en psychologie comme une expérience optimale. Alors l'état de flow, vous l'avez sûrement tous déjà vécu, surtout ceux qui ont joué à des jeux vidéo, c'est le moment où vous êtes tellement à fond dedans que plus rien n'existe autour de vous. Donc il y a une distorsion temporelle, vous êtes tellement focalisé, vous avez oublié d'aller manger, vous êtes dans votre jeu depuis 8 heures mais sans vous être rendu compte que vous avez joué tellement longtemps, parce que vous êtes dans une concentration intense. C'est un état qui a été étudié à la base dans des systèmes non technologiques, c'est-à-dire sur des gens passionnés, des joueurs d'échecs professionnels, des athlètes, des gens qui ressentaient cette concentration extrême dans leurs activités. En fait, le flow, c'est une expérience optimale qui renvoie à cette théorie des besoins, puisqu'elle est causée par un équilibre parfait entre les challenges et les compétences dans un environnement orienté but. Quand vous êtes dans un jeu vidéo, ce qu'on vous demande de faire, c'est toujours juste au-dessus de ce que vous savez déjà faire, comme ça vous avez l'impression d'apprendre quelque chose. Mais pas trop facile, pas trop difficile non plus, parce que sinon vous dites « Ah, j'y arrive pas », puis vous êtes dans l'échec, donc vous n'avez pas envie de vous concentrer. Mais c'est toujours un petit peu à la limite de vous donner un challenge et de vous faire apprendre quelque chose. Donc c'est bien une expérience positive qui vient du besoin de compétences. Et d'un big goal particulier. Alors si je vous dis que cette lampe de chevet est expérientielle, et ceux qui étaient à Blend n'ont pas le droit de répondre. Hein ? Selon vous, quel est le besoin que cette lampe peut satisfaire ? Est-ce qu'on se sent plus compétent ? Est-ce qu'on se sent plus en relationnel ? Plus populaire ? Quelqu'un a une idée ? Non ? Parce... Tous étaient à Blend ? Non, tout le monde n'était pas à Blend. Qui n'était pas à Blend ? Ah, il y a quelques-uns. Qui ne m'a pas vu à Blend ? Parce qu'il y a des gens qui étaient à Blend, mais qui ne m'ont pas vu. Alors, Quelques indices. Donc, le public cible, c'est les enfants. Le contexte d'utilisation, c'est la nuit. Et le besoin à satisfaire, c'est la sécurité. Notamment, pour une de leurs plus grandes peurs, de quoi ont peur les enfants? Ils ont peur d'aller aux toilettes la nuit, ils ont peur d'aller dans le couloir, il fait noir, etc. Et donc, en fait, cette lampe permet de leur donner un sentiment de sécurité, puisqu'on peut avoir la lumière et l'emporter comme un effet veilleuse. Et donc, en fait, elle représente bien cette application de la théorie des besoins, puisqu'on a transformé un objet fonctionnel, donc une lampe, un objet banal en plus, hein, on a tous une lampe de chevet, et elles ne sont pas particulièrement expérientielles, en un objet plus expérientiel pour le public cible qui est visé, dans le contexte cible qui est visé. Et donc, on produit de la sécurité et de l'autonomie. De la même manière, si on voulait faire une poussette efficace, enfin, on pourrait faire une poussette trottinette. Comme ça, on ne serait pas à deux à l'heure dans les parcs. Et si on voulait faire un vélo sécuritaire, on a le Bike Zone, qui est un système de laser qui a été conçu pour la sécurité des cyclistes, qui en fait projette une piste cyclable derrière le cycliste pour lui donner donc une sorte de halo à un mètre autour du vélo qui prévient aussi les autres des changements de direction, etc. Donc la théorie UX des besoins, elle permet vraiment de générer des idées de conception innovantes et de transformer des objets du quotidien en objets plus expérientiels. Et concrètement, quand vous vous en servez, ben, vous avez votre brief de départ, votre projet, et vous essayez de réfléchir à quel besoin, parmi les 7 qui existent dans la théorie, vous avez envie de cibler. Et sur base de ce besoin-là, vous allez développer vos fonctionnalités, pas l'inverse. Vous allez réfléchir d'abord à créer une expérience particulière. Donc il y a des UX cards qui permettent de concevoir pour l'expérience basée sur ces besoins et elles sont téléchargeables en ligne. Donc la deuxième partie, qui est une autre manière de penser à l'expérience, c'est sous l'angle des émotions. Le design émotionnel, c'est un peu un intemporel de l'UX. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, les émotions sont la langue même de l'expérience. Si on arrive à façonner des émotions, alors, on commence à façonner des expériences. Ça ne veut pas dire qu'une émotion toute seule est une expérience, mais en tout cas, on est dans l'essence de l'expérience qui est émotionnelle. Les produits et les systèmes évoquent des émotions. Bon, sauf les produits neutres, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont ratés. Mais selon leur valence et leur type, donc selon que les émotions évoquées soient positives ou négatives, ça va stimuler des comportements différents. Les émotions positives vont générer une intention d'achat, un attachement au produit, un confort d'usage particulier, une utilisabilité perçue. Et donc, finalement, ça façonne un peu des comportements. Comme dit Desmet, les produits qui évoquent des émotions positives sont achetés plus souvent, utilisés plus souvent, plus plaisants à utiliser. Il est donc indispensable de concevoir des produits qui évoquent des émotions positives. C'est pareil, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est beau dans la théorie, tout le monde a envie de faire du design émotionnel, mais comment on fait ? Et le comment on fait, ben, il n'est pas facile, mais il faut connaître les émotions. Si on veut créer de l'émotion, il va falloir déjà savoir ce qu'est une émotion, quels sont les types d'émotions et quels types d'émotions produisent quels comportements. On considère généralement qu'il y a 6 émotions primaires. La première, la petite A, vous pouvez voir avec moi, c'est le dégoût. Le petit B, c'est la joie. Le petit C, c'est la tristesse. Le petit D, la colère, le petit E, la peur, et le petit F, la surprise ou l'intérêt. Toutes les autres émotions qui existent sont, comme on dit la honte par exemple, des états dérivés, des mélanges, des composés faits à partir de ces émotions de base. Donc par exemple, la honte, c'est un mélange de peur et de colère contre soi-même. Et en design UX, si on veut concevoir des émotions positives, il est indispensable d'avoir ce qu'on appelle une bonne granularité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la granularité ? C'est une qualité indispensable du designer, donc entraînez-vous. C'est important parce qu'au sein des émotions positives, chaque type d'émotion apporte une réponse comportementale différente. Si vous créez de la joie à travers une technologie, ça encourage une interaction playful, un petit peu ludique. Si vous créez de la fascination, ça encourage une interaction focalisée. Donc, quelqu'un qui est fasciné va se concentrer, se focaliser sur quelque chose. Et en fait, vous avez donc des leviers d'action pour influencer le comportement par rapport aux émotions que vous créez. Donc, la granularité émotionnelle, en fait, c'est votre capacité à caractériser un état émotionnel avec précision. Il y a des gens qui, quand ils sont heureux, ben, le seul mot qui leur vient à l'esprit, c'est « je suis content ». Il y a des gens, quand ils sont heureux, ils ont plusieurs mots je suis exalté, je suis content, je suis... Et ils ont toute cette granularité de différents niveaux, en fait, de joie, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la joie. Vous pouvez tester votre granularité émotionnelle, donc vous pouvez chez vous faire un exercice simple. En 5 ou 10 minutes, vous allez lister autant d'émotions positives que possible. Puis vous regardez votre liste, vous comptez combien vous avez d'émotions ou d'affects, et si vous avez eu du mal à en trouver. Si vous avez du mal à en trouver, c'est qu'il va falloir entraîner un petit peu votre granularité émotionnelle. Il est temps de travailler. Mais heureusement, il y a des outils, on peut s'entraîner. Pour faciliter le travail des designers, le chercheur belge Peter Desmet a créé une typologie des émotions positives qu'on peut utiliser dans le design. Pourquoi ? Parce que dans la littérature scientifique sur les émotions, donc principalement une littérature qui a été dans le domaine de la psychologie, on peut trouver des classifications avec plusieurs centaines d'états émotionnels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont amusés à répertorier des centaines et des centaines de mots d'états affectifs dans toutes les langues. Et d'ailleurs, ils ont, donc ça fait marrant, il y a des langues qui sont plus ou moins aptes à traduire des émotions et qui ont un vocabulaire plus ou moins large émotionnellement, enfin sur les états affectifs. Mais évidemment, ça, c'est inutilisable pour vous autres designers. 500 mots d'émotion, ça ne sert à rien, ça ne va pas vous permettre. C'est trop fin, il y a trop de granularité là. Pareil, les 6 émotions de base que je vous ai montrées sur la slide précédente, c'est trop restrictif. Vous ne pouvez pas juste concevoir, surtout que parmi les 6, il n'y en a que 2 positives. Donc, ça vous intéresse encore moins. Le négatif, vous n'avez pas envie de voir des gens en colère. Donc, pour vous, c'est un petit peu limité. Donc, ce qu'a fait Desmet, très gentiment, c'est qu'il a créé cette typologie en 25 émotions. 25 émotions, c'est un niveau de granularité qui est vraiment correct pour la conception, pour l'UX design. Il existe aussi des typologies d'émotions négatives. On va reparler un petit peu. Parfois, c'est important aussi de connaître les émotions négatives pour créer des émotions riches. Je vais vous dire juste tout à l'heure ce que c'est. Donc, ces 25 émotions positives, il en a fait une typologie que vous pouvez télécharger, mais il en a surtout fait un outil pragmatique qui est utilisable par les professionnels. Alors, et c'est des chercheurs. Donc, il faut savoir qu'il y a un petit changement en ce moment, ça remue pas mal dans la recherche. Et ce changement, c'est que principalement, les chercheurs commencent un peu à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir sur les professionnels. La tradition universitaire, un petit peu pure et dure, était un petit peu fermée, hermétique. Et maintenant, enfin, certains, en tout cas, chercheurs, commencent à vous considérer, vous, comme leurs utilisateurs finaux. C'est-à-dire que si je conçois, moi, une méthode de design, ben, c'est une méthode qui sert à un designer. Donc, je peux appliquer mon process du design sur vous et faire des focus group avec vous et faire des tests avec vous, etc. De manière à ce que la méthode réponde à vos besoins et vous permette d'être efficace dans votre travail et de créer des expériences positives pour vos clients et utilisateurs finaux. Donc vous pouvez télécharger aussi ces 25 cartes sur le site de l'Institut du design positif de Delft. Et vous pouvez les utiliser dans des séances de conception. C'est-à-dire, c'est des cartes d'idéation. Vous allez vous en servir pour guider un brainstorming. Un petit exemple de design qui est basé sur ces théories des émotions. Donc il y a dans la classification de Desmet une émotion qui s'appelle l'anticipation. Donc l'anticipation, c'est quoi ? Eh bien, c'est attendre qu'un événement désirable arrive. Je suis sûre que vous avez tous, avant un rendez-vous galant, attendu la personne aimée, avec impatience, en vous demandant si vous étiez bien, si tout est en place, etc., etc. Et cette espèce de petite anticipation agréable, mêlée d'excitation, tout ça, de quelque chose qui va arriver, vous savez que ça va arriver. Donc à quoi sert ma fameuse boîte, selon vous, et comment ça fonctionne ? Alors, la boîte s'appelle Photobox. Et Photobox, c'est une slow technology. Elle a été... d'ailleurs, la référence n'est pas bonne. Je ne l'ai pas changée. Donc, elle n'a pas été inventée par Yun, Desmet et Paul Meyer. Elle a été inventée par William Odom, du MIT. Et dans son... En fait, il avait un projet qui mêlait un petit peu avec de l'ethnographie, où il s'est rendu compte qu'on a, de nos jours, un problème d'abondance de photos numériques. C'est-à-dire que nous faisons tous plusieurs dizaines, centaines, milliers de photos numériques par an, selon les personnes. Et en fait, elles sont un peu partout. On les stocke, on en a dans notre iPad, sur notre iPhone, on en a sur nos ordinateurs, dans nos disques durs, dans le cloud. Enfin, et que plus on en a, moins elles ont du sens. C'est un petit peu l'histoire de la rareté, quoi. Les diamants, c'est cher parce que c'est rare. Et ben, les photos numériques ont fait perdre la rareté, un petit peu de la valeur à une photographie, qui est finalement un souvenir d'une expérience. Et donc, le projet de William Odom, c'était de créer quelque chose qui allait redonner du sens aux photos numériques. Et le concept, c'est que là, dans cette boîte, qui a l'air rustique volontairement, se cache une imprimante Bluetooth qui est reliée au compte Flickr de l'utilisateur. Alors, c'est un parti pris pour que ça fonctionne, parce qu'il fallait une base de données pour chaque utilisateur. Donc là, c'est relié à son compte Flickr. Ça pourrait être relié à son disque dur ou à sa Dropbox, peu importe. Et la boîte, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle imprime une fois de temps en temps. Vous savez pas quand. Une photo de votre collection choisie de manière complètement aléatoire, sans aucun contrôle de l'utilisateur. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle en imprime rarement, en plus. Donc, vous attendez un petit peu, vous anticipez cette expérience agréable de trouver une photo dans votre boîte. D'où l'expérience, l'émotionnelle de l'anticipation. Il y a un truc qui est marrant ici, pour tous ceux qui font de l'ergonomie, d'utilisabilité, qui connaissent un petit peu les critères ergonomiques, il y a un critère qui s'appelle le contrôle utilisateur. Et on nous dit, depuis des années, il faut absolument que l'utilisateur soit en contrôle. C'est important. Et bien, cette boîte-là, c'est exactement le pied de nez à tout ça, puisque l'utilisateur n'a aucun contrôle. Il ne peut pas choisir quand imprimer, il ne peut pas choisir quelle photo imprimer, il ne peut pas savoir à quel moment, et même s'il voulait la bricoler, il ne pourrait rien faire pour avoir le contrôle. Et pourtant, c'est de cette perte de contrôle qu'ici vient l'expérience. Donc parfois, quand on est dans l'UX design, on peut un petit peu jouer avec les principes ergonomiques pour créer des expériences. Ce n'est pas interdit. Donc soyez flexible dans votre manière de penser et de concevoir, de structurer des expériences. Pour la petite histoire, ils ont fait une étude longitudinale sur 14 mois où ils ont voulu étudier l'impact et l'expérience utilisateur de cette slow technology. Donc ils l'ont introduit dans des foyers, enfin chez des gens, de différents types pour voir l'impact que ça avait chez différents profils d'utilisateurs. Donc ils l'ont mis dans une famille, ils l'ont mis dans une colocation où il y avait plusieurs jeunes colocs, ils l'ont mis chez un couple sans enfants et ils l'ont mis dans un... Je me demande même s'ils l'ont pas mis dans un lycée ou dans un internat, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué dans leurs observations ethnographiques, c'est que les gens, les premiers jours, ouvraient compulsivement la boîte, toutes les 2 minutes. Donc toutes les 30 secondes, ils pensaient que quelque chose allait sortir, parce que forcément, on leur donne un truc, on dit que ça va se passer quelque chose, donc vous regardez, vous regardez, vous regardez. Et très très déçus, très très frustrés, parce qu'il ne se passait rien. Jusqu'au jour où, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, donc la boîte pendant 3 semaines est là, vous ouvrez et vous avez une petite photo format Polaroid de quelque chose dans votre collection Flickr. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que chaque photo, du fait de l'anticipation émotionnelle qu'il y avait eu, mais aussi du fait qu'elle soit unique, toute seule dans cette boîte, elle reprenait de la valeur. C'est-à-dire que les gens, du coup, ils n'avaient plus qu'un souvenir devant eux, et ils avaient le temps de revisiter un petit peu le passé, de montrer à leur famille, de dire « Ah, tu te souviens, c'est le jour de l'anniversaire de Théo, on a fait ci, on a fait ça, ou c'est le jour de notre voyage, de noces. Ou... » Et en fait, du coup, ce souvenir-là reprenait de l'importance par rapport à toute cette collection. Quand on voit par exemple les cadres numériques qui ont eu leur période de mode, qui ne sont plus du tout à la mode, le problème d'un cadre numérique, c'est qu'il ne fait que diffuser sans aucun sens, sans aucune expérience derrière, une espèce de collection aléatoire de photos. Et il y a toujours ce nombre, et le nombre fait un frein finalement à l'expérience. Là, dans la photobox, c'est le parti pris complètement inverse, où vous en avez peu, donc elles deviennent valorisées. Il a vu aussi que les gens, grâce à la photobox, ont eu des espèces de comportements... Enfin, se sont posé la question de leur lien avec la technologie. Parce qu'on est toujours dans ce monde où tout va vite, on veut tout tout de suite, tout est immédiat, et tout à coup, on vous donne un objet qui vous fait réfléchir au fait que tout n'est pas toujours immédiat, tout ne va pas toujours vite, et on n'a pas toujours le contrôle sur tout. Et ces gens-là ont vraiment commencé à réfléchir à ce lien. Certains ont même décidé de ne plus utiliser leur portable pendant quelques temps, ou vous voyez, ces espèces de pratiques un petit peu différentes de revoir plus leur famille, de passer plutôt des week-ends chez des amis que sur Facebook. Enfin, ils ont un petit peu changé finalement leur rapport. Donc l'objet a eu un vrai impact en fait. Beaucoup moins poétique, mais un petit peu sur le même principe de l'émotion d'anticipation. Il y a une application mobile qui s'appelle One Hour Photo, qui en fait a pour principe que vous prenez une photo avec vos amis, un selfie, et vous ne pouvez pas la voir avant 1 heure. C'est un petit peu pour ceux qui ont connu les développements de photos argentiques où vous attendiez le résultat. Ça vous permet d'apprécier la photo différemment parce que vous n'en prenez qu'une. Ça permet que personne ne dise « Oh, je suis pas beau, efface là, on en refait, etc. » qui crée finalement une contrainte sur l'expérience et donc de voir les choses un peu différemment. En termes de richesse d'expérience, les émotions riches, c'est des émotions qui mêlent positif et négatif. Donc, les manèges à sensations, c'est un bon exemple d'émotions riches, puisque vous avez un peu peur, mais en même temps, c'est excitant. Donc, il existe aussi des typologies d'émotions négatives qui sont importantes en design. L'application Zombie Run, pour ceux qui connaissent, elle marche très bien sur ce principe, c'est-à-dire que c'est une application de jogging, mais qui, pour vous faire courir, vous simule une poursuite par des zombies. Donc dans votre casque, vous avez tin, tin, tin, ils vous suivent, attention, tournez à droite, vraiment. Et vous êtes tellement intensément, ça peut être presque dangereux même, hein, mais vous êtes tellement intensément dans votre truc, vous avez des parcours à faire, vous devez récupérer de la vie si jamais on vous a blessé à un certain moment. Enfin voilà, donc ils ont mis un storytelling, donc là il y a une vraie histoire aussi, la puissance de l'histoire, et ils ont fait un mélange d'émotions qui s'appelle donc émotions riches. Et quand on arrive à maîtriser ça en design, c'est aussi très intéressant. Alors, c'est bientôt fini. On a encore dans les émotions 6 sources d'émotions positives dans les IHM. En plus des typologies, ça, c'est des recherches qui ont identifié des sources d'émotions et qui vous permettent d'être comme des leviers, en fait. Vous pouvez créer des émotions à travers les propriétés de l'objet. Donc, ça vient des qualités matérielles, comme un MacBook qui est fascinant parce qu'il est beau. Vous pouvez créer des émotions à travers l'association, le sens, c'est-à-dire qu'une carte postale va vous faire anticiper vos vacances. Vous pouvez créer des émotions à travers les qualités de l'interaction. Le déboucher une bouteille de champagne, c'est assez incroyable en termes d'émotion. Si vous mettez un bouchon en plastique, c'est moins drôle tout de suite. Créer des émotions à travers l'activité à laquelle elle renvoie. Donc c'est un petit peu des rollers, ça permet d'être relaxé. Les chaussures de randonnée, ben, c'est l'activité plutôt qui est émotionnelle plutôt que la chaussure. Créer des émotions à travers le soi, c'est-à-dire la confiance qu'un objet peut vous donner ou les propriétés de popularité, par exemple, que ça peut vous donner. Les chaussures à talons, c'est un très, très bon exemple. Et enfin, créer des émotions à travers les effets de l'activité sur d'autres. Parfois, un objet, ça joue un rôle dans votre relation à quelqu'un d'autre. Un pansement, si vous avez acheté un pansement avec Dora l'exploratrice ou que sais-je pour votre enfant, c'est aussi un peu une preuve d'amour que vous passez à travers l'objet. Donc, ça vous donne une sorte de guide de différents niveaux. Ça vous permet de penser l'expérience un peu au-delà du côté tangible. Donc connaître les types d'émotions, leurs sources, pour concevoir des expériences mémorables, c'est tout aussi important que de connaître les besoins psychologiques fondamentaux dont j'ai parlé. Et ma toute dernière réflexion pour conclure, ça va être en quelque sorte un petit hommage à ce bel endroit qui nous accueille, le musée des Confluences. Alors pour ma part, je ne connaissais pas, donc j'ai entendu le nom un peu comme ça. Je me suis dit, c'est vraiment évocateur. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, je me dis, le domaine de l'UX, c'est un domaine, et j'ai toujours utilisé le mot, à l'intersection de... Intersection, c'est pas poétique. Confluence, c'est poétique. Donc en fait, le domaine de l'UX, tout comme celui de l'architecture de l'information, peu importe comment on les imagine l'un et l'autre, c'est un domaine de confluence entre plusieurs disciplines, plusieurs pratiques, plusieurs manières d'appréhender en fait, le monde numérique autour de nous. Et tout comme ce musée, en fait, l'UX Design, c'est vraiment un lieu de partage des savoirs, partage pluridisciplinaire. Pour ma part aujourd'hui, j'aimerais représenter les confluences entre les savoirs académiques et les savoirs professionnels, où les deux se rencontrent en fait pour une architecture réussie. Merci beaucoup de votre attention.